J'ai suivi Claire un soir d'hiver. Il faisait froid à cause du vent. L'air nous déchirait les paupières. Mais j'aimais ça, tout était blanc. Et drôle d'amour. D'amour. C'était l'hiver et c'était clair. Le Père Noël pour les enfants, les sapins en plastique pour les parents. Un petit moment dans la lumière. Hey, drôle d'amour. J'ai suivi Claire jusqu'à Nanterre. C'était là son appartement. Je t'aime Claire, malgré l'hiver. Mais j'ai vu Claire prendre un calmant. Fais semblant. Tourne ta cuillère, renverse ton verre. Mais ne pleure pas si doucement. Hey, hey drôle d'amour. Hey, hey drôle d'amour. Hey drôle d'amour. Oui.